Le bulletin de sport local et régional de Danny Veilleux est une commandite de Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini. L'automne est arrivé et il est déjà le temps de se préparer pour la période froide qui s'en vient. Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini vous offre une vaste gamme de pneus d'hiver dans les marques les plus prestigieuses à différents prix. Venez voir nos souffleurs à neige qui seront utiles pendant nos hivers rigoureux. Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2385. Consultez notre circulaire pour nos différents spéciaux et magasinez en ligne au canadiantire.ca. Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional du 8 novembre. Hier, l'Avalanche du Colorado était en action contre les Predators de Nashville. Et c'était une victoire très, très facile de l'Avalanche par la marque de 9 à 4. Pour l'Avalanche, Samuel Girard a été blanchi, a joué quand même pendant 24 minutes 36 et a terminé le match à plus 2. En fin de semaine, c'est les demi-finales de football collégial Division 3. Les Gaillards de Jonquière vont recevoir la visite de Hansik, ceux qui avaient gagné au Bol d'Or l'an dernier. Et les Cougars de Chicoutimi vont affronter Saint-Hyacinthe. On a parlé d'abord avec François Laberge dans un premier temps. François Laberge qui nous parle que le fait d'avoir joué l'an passé au Bol d'Or, ça recommence et c'est un autre match avec des nouvelles équipes. Ouais, je te dirais que c'est plus ou moins ces deux équipes qui ne sont pas affrontées encore dans les éditions 2019. Okay. Donc ça va être un tout nouveau match. Je te dirais qu'ils ont pas mal, beaucoup de mêmes joueurs qui reviennent. Donc okay. Ça, pour eux, c'est sûr que ça va être un match un peu, si on veut, revanche. Là. Donc nous, on a préparé les gars. On sait qu'il y a une équipe avec le couteau entre les dents qui s'en vient à Jonquière. Là. C'est vraiment un très bon club de football bien coaché. Qui a des objectifs élevés comme nous. Ok. La Berge nous parle dans un deuxième temps. Le fait de jouer à la maison, c'est un avantage. Toujours le mieux de jouer à domicile, surtout quand on croise avec les divisions de Montréal. Donc, on parle de peut-être 5 heures de route entre nous et le collège Hansik. Donc, l'année passée, on les a affrontés au Bol d'Or sur leur terrain. Là, cette année, c'est eux qui viennent nous visiter. Donc, c'est certain que de jouer devant nos partisans, jouer à domicile, c'est un avantage non négligeable en série éliminatoire. Deux joueurs de Dolbeau-Mistassini ont été sélectionnés sur l'équipe d'étoiles et ils appartiennent aux Gaillards de Jonquière, soit Mathieu Delisle et Marc-Antoine Robert. Et François Laberge nous parle des deux joueurs. Mathieu, c'est notre étudiant athlète. Là. C'est ouais. Un gars qui a été choisi. C'est vraiment un gars qui est brillant. C'est un des bons pass rushers. Là, donc, mettre de la pression sur les carrières, c'est un des meilleurs de la Division 3. Je pense qu'il est très solide. Puis sa qualité première, c'est que c'est un étudiant exceptionnel. Là. Il est en sciences de la nature. Il a des résultats incroyables, un peu comme Phil Lavoie avait. Donc, c'est vraiment un super étudiant. Donc, je pense qu'il reste encore l'année prochaine à jouer avec nous, mais ça va être un gars qui va être sollicité par les universités à cause de sa capacité de mettre de la pression sur les corps. Marc-Antoine Robert, Marc, là, il est déjà recruté par plusieurs universités qui le recrutent depuis son année 1. Écoute, il a fait l'équipe étoile l'an passé comme joueur de ligne à l'attaque. Cette année, il fait l'équipe étoile comme joueur de ligne défensive et il est choisi comme le meilleur joueur de ligne défensive de toute la division Nord-Est. Donc, ça en dit beaucoup sur le genre de joueur. C'est un gars qui, en série éliminatoire, on compte l'utiliser des deux côtés du ballon. Là, va venir faire des tours sur la ligne offensive si on en a besoin. Au Cougar de Chicoutimi, ils vont affronter Saint-Hyacinthe. Nick Manacci nous parle que c'est un match très physique. Un match très physique. On va jouer contre la meilleure équipe du Sud-Ouest, une équipe qui est dominante depuis quelques années. Donc, ça va être un gros test, un gros match. Nick Manacci mentionne que c'est une équipe très, très rapide. C'est une équipe qui est très rapide. C'est une équipe qui bouge beaucoup défensivement. Là, ils ont des joueurs qui sont très vite. Beaucoup de joueurs sur l'équipe étoile, autant du côté offensif que du côté défensif. C'est une équipe qui est bien coachée par Sébastien Deschamps. Donc, on s'attend vraiment à une équipe là, bien préparée puis une équipe qui est capable de donner une position là, très physique. Là. On va parler maintenant du côté du showcase. Roberval était en action hier, les Aigles de Roberval. Donc, au niveau Benjamin, deux défaites. Donc, hier, ils ont perdu 2-1 contre la formation de Bourget. Et ce matin, on a un résultat. Ils ont perdu contre la formation de l'équipe de Chaîne Bleue par la marque de 3-1. J'ai invité à la section entrevue de DanRadioSport.com. Hier, on a parlé avec Robin Bouliane des Castors de Dolbeau. On s'est également entretenu avec aussi plusieurs intervenants du monde du sport. Donc, Pierre-Luc Martin de la Ligue JMS qui vient nous parler de la semaine dans la Ligue. Sport local et régional, à DanRadioSport.com.